sable brûlant, une plage sans fin. Reçois ma paix, j'pars vers mon destin. Un cowboy nu, mais l'esprit blindé. L'acier et l'huile vont me couronner. La scientifique tire dans la nuit, mais je crache le feu, ma rage les fuit. Chaque escalier résonne de mon pas. Un cowboy perdu, mais je règne déjà. Les flammes lèchent les murs d'acier, les coffres craquent, je viens les vider. Chaque balle tirée forge ma lame. Le vent salé porte mon nom. Un rider's skill dur comme le plomb. Sommet du mât, je vois l'horizon. La mer entière devient ma prison. Mes balles sifflent, la nuit s'écarquille. Sous chaque tir, mes bottes résonnent. Un cow-boy d'acier, mon règne s'ordonne. Les coffres tombent, je prends tout pour moi. La mer s'incline, cowboy des flammes, rider skill s'imprime. Reste entier, pleure mon passage, Far West gravé dans ce paysage.